deux pieds dans la glace. La tête qui vagabonde, le monde qui se déplace. Invité au voyage, parti sans nos bagages, sur les routes du langage apparaissent des paysages. Notre livre magique, c'est notre maîtresse, elle est notre Amérique, notre grande prêtresse. Une plaine couverte de guerriers, une fille d'Orléans, un château templier, un cheval fait de bois, des pyramides en pierre, Charlemagne sacré roi. C'est notre maîtresse, elle est notre Amérique, notre grande prêtresse, notre grande prêtresse. Marchande de sable de jour,